sa bango. Yabo kilo wasemo. Je vis ma vie simplement. Malgré cela, j'entends des gens qui sans cesse me calomnient. Je me demande qui sont mes vrais amis. Les ragots qui s'est fait. Les ragots. Les ragots et je n'en veux plus. Pour mon idée que Bilobé la paix et qu'il y a trop. Les ragots. Trop les ragots, les ragots, ah non. Je n'en